Chapitre 32. J'en étais là de mon voyage, lorsque je fus obligé de descendre précipitamment de cheval. Je n'aurais pas tenu compte de cette particularité, si je ne devais en conscience instruire les personnes qui voudraient adopter cette manière de voyager des petits inconvénients qu'elles présentent, après leur en avoir exposé les immenses avantages. Les fenêtres, en général, n'ayant pas été primitivement inventées pour la nouvelle destination que je leur ai donnée, les architectes qui les construisent négligent de leur donner la forme commode et arrondie d'une selle anglaise. Le lecteur intelligent comprendra, je l'espère, sans autre explication, la cause douloureuse qui me força de faire une halte. Je descendis assez péniblement, et je fis quelques tours à pied dans la longueur de ma chambre pour me dégourdir, en réfléchissant sur le mélange de peine et de plaisir dont la vie est parsemée, ainsi que sur l'espèce de fatalité qui rend les hommes esclaves des circonstances les plus insignifiantes. Après quoi, je m'empressai de remonter à cheval, muni d'un coussin d'édredon, ce que je n'aurais pas osé faire quelques jours auparavant, de crainte d'être hué par la cavalerie. Mais ayant rencontré la veille aux portes de Turin un parti de Cosaques qui arrivait sur de semblables coussins des bords des Palus Méotides de la mer Caspienne, je crus sans déroger aux lois de l'équitation, que je respecte beaucoup, pouvoir adopter le même usage. Délivré de la sensation désagréable que j'ai laissé deviner, je pus m'occuper sans inquiétude de mon plan de voyage. Une des difficultés qui me tracassait le plus, parce qu'elle tenait à ma conscience, était de savoir si je faisais bien ou mal d'abandonner ma patrie, dont la moitié m'avait elle-même abandonné. Une semblable démarche me semblait trop importante pour m'y décider légèrement. En réfléchissant sur ce mot de patrie, je m'aperçus que je n'en avais pas une idée bien claire. Ma patrie? En quoi consiste la patrie? Serait-ce un assemblage de maisons, de champs, de rivières? Je ne saurais le croire. C'est peut-être ma famille, mes amis, qui constituent ma patrie. Mais ils l'ont déjà quittée. Ah, m'y voilà, c'est le gouvernement. Mais il est changé, bon Dieu, où donc est ma patrie? Je passai la main sur mon front dans un état d'inquiétude inexprimable. L'amour de la patrie est tellement énergique. Les regrets que j'éprouvais moi-même, à la seule pensée d'abandonner la mienne, m'en prouvaient si bien la réalité que je serais resté à cheval toute ma vie plutôt que de désemparer avant d'avoir coulé à fond cette difficulté. Je vis bientôt que l'amour de la patrie dépend de plusieurs éléments réunis, c'est-à-dire de la longue habitude que prend l'homme depuis son enfance, des individus, de la localité et du gouvernement. Il ne s'agissait plus que d'examiner en quoi ces trois bases contribuent, chacune pour leur part, à constituer la patrie. L'attachement à nos compatriotes, en général, dépend du gouvernement. Il n'est autre chose que le sentiment de la force et du bonheur qu'ils nous donnent en commun. Car le véritable attachement se borne à la famille et à un petit nombre d'individus dont nous sommes environnés immédiatement. Tous ceux qui auront l'habitude ou la facilité de se rencontrer rend les hommes ennemis. Une chaîne de montagnes forme de part et d'autre des ultramontains qui ne s'aiment pas. Les habitants de la rive droite d'un fleuve se croient fort supérieurs à ceux de la rive gauche, et ceux-ci se moquent à leur tour de leurs voisins. Cette disposition se remarque jusque dans les grandes villes partagées par un fleuve, malgré les ponts qui réunissent ses bords. La différence du langage éloigne bien davantage encore les hommes du même gouvernement. Enfin, la famille elle-même, dans laquelle réside notre véritable affection, est souvent dispersée dans la patrie. Elle change continuellement dans la forme et dans le nombre. En outre, elle peut être transportée. Ce n'est donc ni dans nos compatriotes ni dans notre famille que réside absolument l'amour de la patrie. La localité contribue pour le moins autant à l'attachement que nous portons à notre pays natal. Il se présente à ce sujet une question fort intéressante. On a remarqué de tout temps que les montagnards sont de tous les peuples ceux qui sont le plus attachés à leur pays, et que les peuples nomades habitent en général les grandes plaines. Quelle peut être la cause de cette différence dans l'attachement de ces peuples à la localité? Si je ne me trompe, la voici. Dans les montagnes, la patrie a une physionomie. Dans les plaines, elle n'en a point. C'est une femme sans visage qu'on ne saurait aimer, malgré toutes ses bonnes qualités. Que reste-t-il en effet de sa patrie locale à l'habitant d'un village de bois, lorsqu'après le passage de l'ennemi, le visage est brûlé et les arbres coupés? Le malheureux cherche en vain, dans la ligne uniforme de l'horizon, quelque objet connu qui puisse lui donner des souvenirs. Il n'en existe aucun. Chaque point de l'espace lui présente le même aspect et le même intérêt. Cet homme est nomade par le fait, à moins que l'habitude du gouvernement ne le retienne. Mais son habitation sera ici ou là, n'importe. Sa patrie est partout où le gouvernement a son action. Il n'aura qu'une demi-patrie. Le montagnard s'attache aux objets qu'il a sous les yeux depuis son enfance et qui ont des formes visibles et indestructibles. De tous les points de la vallée, il voit et reconnaît son champ sur le penchant de la côte. Le bruit du torrent qui bouillonne entre les rochers n'est jamais interrompu. Le sentier qui conduit au village se détourne auprès d'un bloc immuable de granit. Il voit en songe le contour des montagnes qui est peint dans son cœur. Comme, après avoir regardé longtemps les vitraux d'une fenêtre, on les voit encore en fermant les yeux. Le tableau gravé dans sa mémoire fait partie de lui-même et ne s'efface jamais. Enfin, les souvenirs eux-mêmes se rattachent à la localité. Mais il faut qu'elle ait des objets dont l'origine soit ignorée et dont on ne puisse prévoir la fin. Les anciens édifices, les vieux ponts, tout ce qui porte le caractère de grandeur et de longue durée remplace en partie les montagnes, dans l'affection des localités. Cependant, les monuments de la nature ont plus de puissance sur le cœur. Pour donner à Rome un surnom digne d'elle, les orgueilleux romains l'appelèrent la ville aux sept collines. L'habitude prise ne peut jamais être détruite. Le montagnard, à l'âge mûr, ne s'affectionne plus aux localités d'une grande ville. Et l'habitant des villes ne saurait devenir un montagnard. De là vient peut-être qu'un des plus grands écrivains de nos jours, qui a peint avec génie les déserts de l'Amérique, a trouvé les Alpes mesquines et le Mont Blanc considérablement trop petit. La part du gouvernement est évidente. Il est la première base de la patrie. C'est lui qui produit l'attachement réciproque des hommes et qui rend plus énergique celui qu'il porte naturellement à la localité. Lui seul, par des souvenirs de bonheur ou de gloire, peut les attacher au sol qu'il les a vus naître. Le gouvernement est-il bon ? La patrie est dans toute sa force. Devient-il vicieux ? La patrie est malade. Change-t-il ? Elle meurt. C'est alors une nouvelle patrie. Et chacun est le maître de l'adopter ou d'en choisir une autre. Lorsque toute la population d'Athènes quitta cette ville, sur la foi de Thémistocle, les Athéniens abandonnèrent-ils leur patrie ou l'emportèrent-ils avec eux sur leur vaisseau ? Lorsque Coriolan... Bon Dieu, dans quelle discussion me suis-je engagé ? J'oublie que je suis à cheval sur ma fenêtre.